rejoindre son destin. Le saut de l'ange, j'échappe aux mauvais rêves. On plonge dans le silence, que c'est bon quand on crève. Que la mort soit avec toi. Que la mort soit avec toi. À moi l'épée, mon pays l'archange. Pour demain mon passé, je rejoindrai les anges. Et tu sais, va de l'être dans une fuite sans lendemain. On oublie les tempêtes en se réfugiant dans les seins. Le sceau de l'ange pour qu'enfin s'achève ces jours étranges et les peines qu'on soulève. Que la mort soit avec toi. Que la mort soit avec toi. À moi l'épée, mon pays l'archange. Pour demain mon passé, je rejoindrai les anges. J'ai trop frappé, fais saigner mes phalanges. Je veux m'en aller, laissez-moi descendre. Je suis fatigué de ce monde sans échange. Laissez-moi crever pour finir ensemble. À moi l'épée, mon pays l'archange. Pour demain mon passé, je rejoindrai les anges.